Là-bas, le soleil comme chaque jour et les gens sont de bonne humeur. Ici, la pluie arrose les tours et les visages d'une froideur. Là-bas, les enfants vont nu-pieds jusqu'au bord de la mer. Ici, ils se sapent à la b-boy et sont dans la demeure. Là-bas, tu prends le temps de respirer et l'air est pur. Ici, tout est étouffé par la fumée des voitures. Là-bas, quand la nuit tombe, tout le monde se couche en paix. Ici, ça grouille de patrouilles, de gardiens de la paix. Là-bas, on se respecte, se ressemble et s'apprécie. Ici, on se tape sur la gueule pour 10 grammes de tushy. Là-bas, n'existe pas. C'est pour nous tous un rêve. Ici est bien présent et chaque jour on en crève. Là-bas t'auras le temps de faire une pause et réfléchir. Ici t'as pas un instant peinard, toujours à courir. Là-bas tu vis longtemps et vois tes enfants grandir. Ici tu bosses à plein temps et le système te l'air dit. Joie sur les visages de mes gars, unis dans nos délires et pas séparés par les mensonges. J'en ai assez de me dire que c'est la bêtise qui nous ronge, nous plonge, nous assassine à petit feu. Trop de stress et de déprime entre en jeu. Si on fait ce qu'on peut, tandis que là-bas ce serait suffisant pour combler le fossé existant entre nous et nos parents. T'as plus un moment pour ta famille, tu vas bosser pour des picadilles, défoncer comme tes pupilles en attendant la quille. Mais loin, trop loin, ce rêve où tu diras ça va. Seul celui qui se relève pourra partir là-bas. Ici c'est live, c'est la réalité, c'est la demeure. Beaucoup n'ont plus d'espoir et se demandent à quoi ça sert. Alors on laisse sa rage prendre le dessus et gérer sa vie. Gardant en tête ses images, le voyage est gratuit. Partir là-bas. Entre la haine et l'amour, ne rien lâcher, croiser les doigts et se dire qu'un jour ça peut s'améliorer, touchons du bois, ne restons pas sourds. Beaucoup nous lancent des appels mais trop pressés dans la vie. Sitôt qu'on s'en rappelle, on se rend compte qu'ils sont déjà partis. Cueillir les fleurs de la vie avant qu'elles ne se fanent. Profiter de ses amis, de ses enfants, de sa femme. Garder en tête toutes les promesses faites, il faut tenir. Prendre la vie comme une quête et le bonheur en point de mire. Bâtir son avenir pour que demain chacun ait sa place. Pas de regrets, c'est se dire ça passe ou ça casse. La masse peut penser ce qu'elle veut, on n'est pas obligé de la suivre. Tu lis en moi comme dans un livre, comme dans un livre ouvert. L'esprit clair et la conscience en paix. Des esprits que j'espère graver pour l'éternité. Partir là-bas, là-bas, là-bas. Je voudrais partir là-bas, là-bas, là-bas. Je voudrais partir là-bas, là-bas, là-bas. Ne plus revoir cette réalité-là. Si j'ai pu tenir, c'est grâce aussi à ceux qui m'entourent. Je me dois de les mettre dans la lumière afin qu'ils brillent à leur tour. Quand bien des jours perdus dans l'ombre noyée dans la tise, ils m'ont tendu la main sans jamais lâcher prise. C'est un instinct de survie et pour certains ça suffit à réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. Les amis, la famille, la santé et tout ce qui reste nous est imposé par la société. De l'argent il en faut, un boulot il en faut. Mais trop souvent l'abus des deux nous mène au bout du rouleau. Accrochés à ses rêves comme tout ce qu'il voudrait nous faire croire. Le système nous crève et ceux qui le tiennent ne pensent qu'au pouvoir. C'est illusoire de dire qu'à tout problème il y a une solution. Demande à ceux qui sont enfermés en prison sans raison. Une page de plus qui tourne, la suivante est déjà prête. Si c'est une roue qui tourne, que faut-il faire pour qu'elle s'arrête ?